de Paname, j'suis die. Traîne une tête si tu crois que t'es die. Si tu tout le reste en GP guy. Pétard à la main, j'drive, donnez-moi la médaille. Pour mes cassettes, mes cailles. Je ne jouerai jamais le voyou. Sans soutien, moi tu veux que j'aillou. Il critique, mais c'est que des jaloux. Que des jaloux. Il fait le gentil, mais ce n'est pas ton poteau. Balance sur l'OPJ quand tu lui montes tes photos. C'est pour Brahim, mort dans les Mali. Pour ceux que tu reconnaîtrais pas, casqué en moto. Pour ceux partis trop tôt. Pas t'endormir, m'a dit le manager. J'me dois te clair, c'est dans ma nature. J'suis à bout de nerfs, oui, là, j'sature. Manda pop, on se rend pas, ils enquêtent. On s'en tape, RG sur le cul. On s'échappe, la part braquée. Casquette écharpe, course poursuite. On s'esquive, ça vit dans l'ombre. En grosse équipe, on aille dans l'ombre. Galère ta team. Respecte-nous si on t'estime. Allez profiter sur moi, parler, parler. Là j'ai bouge sa tête, mon vieux balle. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Get up, get up, levez-vous de là. Get up, get up, j'ai versé des larmes. Pour ta carte, vends la caisse d'épargne. J'ai Marseille dans la bouche, personne j'épargne. On ouvre pas sa gueule quand on ne sait pas. Le cœur cassé, j'entends gros le répar. Tout le monde se dit le king, mais qui est-ce? J'suis pas number one, non, Kim. Laisse, c'est pas les putes ni leur comme Kim. C'est pour Fabio et Chico. On se verrait bien à Mexico. Liga One sur le tricot. Dans le garage, on veut les ligos. Check si j'étais à y'a 5 étoiles. Il serait temps de mettre les voiles. J'ai toujours les yeux vers la lune. Car j'ai rêvé que je touchais les étoiles. J'ai du mal à dire tes kéro. Gentil mais j'suis pas un héros. J'me la pète pas, j'fais pas la star. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Get up, get up, levez-vous de là. Get up, get up, j'ai versé des larmes. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Get up, get up, levez-vous de là. Get up, get up, j'ai versé des larmes. Get up, get up, levez-vous de là. Get up, get up, j'ai versé des larmes. Get up, get up, j'ai versé des larmes.